some grains. Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième émission Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Alors, pour cette quatrième édition, une émission spéciale consacrée au solstice. Nous sommes en hiver 2018 et il y a peu, il y a eu le solstice d'hiver au mois de décembre. Donc nous allons consacrer cette playlist à ce solstice, en particulier la fête de Yule. Donc on retrouvera au travers de cette playlist trois styles différents, mais très liés. Il s'agit du pagan folk, du neo folk et de la dark folk. Pourquoi ? Parce que ces musiques sont très proches des anciennes traditions européennes, des anciennes civilisations, de l'ancien monde, des anciennes spiritualités liées au paganisme, à la nature et aux éléments. Voilà pour ce thème de cette nouvelle émission. On va attaquer tout de suite avec un titre que l'on avait déjà mis lors de la première émission. Il s'agit de Forseti Abendroth. War es Blut aus meinen Wunden, die mir Lebensschmerz stach tief? Oder nur das Rot der Sonne, das über Abendhimmel lief? Wanken seh ich erste Schatten, bis auf jenes Rot erstirbt. Dunkelheit streicht um die Schläfen, um meinen letzten Atem wirbt. trinke, Gott lächelt gnädig dir. Stamm keins in Schmutz und Schlamm, versinke, verende wie ein Tier. Stamm Abels deines Opfers, spende und kos die Engelein. Stamm keins, wann naht sich wohl das Ende deiner Pein. Stamm Abels üppig deine Weide, der Herde schar gesund. Stamm keins, was heult dein Eingeweide vor Hunger wie ein Hund. Stamm Abels Wärme, Leib und Seele am heimischen Herd voll Ruh. Stamm keins, ein Schakal in der Höhle vor Kälte zittre du. Deine Zahl vermehre, dein Gold selbst hecke dir. Stamm keins dem heißen Herzen wehre und hüte deine Gier. Stamm Abels Gras auf allen Wegen, den Raupen gleich an Zahl. Stamm keins auf deinen wirren Wegen mit Kampf und Todesqual. Wenn du einst verendet dein Aas die Sonne frisst, Stamm keins, du hast noch nicht vollendet, was deines Amtes ist. Stamm Abels deines Eisens Klinge, dem Wurfspieß war zum Spott. Stamm keins zum Himmel. Voilà, voilà, voilà pour le titre. Donc, il y avait avant, c'était bien sûr Abendroth avec Forseti. Et tout de suite, c'était Nibelung, Abel und Cain. Donc, Abel et Cain. Et je dédicaçais ce titre à Dunisia sur Twitter. Voilà, c'était un petit clin d'œil à un contact qui avait apprécié. L'émission consacrée au Viking Metal et Medieval Rock. Voilà. Alors concernant Nibelung, alors c'est un groupe originaire d'Allemagne, de Bonn en particulier. Alors ils ont fait 3 albums et sont apparus sur 4 compilation, voilà, donc ils sont plutôt dans la tendance néo-folk, dark folk un petit peu aussi. Voilà pour Nibelung, Nibelung en particulier, qui est un chat russe, voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez. On va tout de suite passer à Disingune, donc les chantres de la dark folk avec l'Hyperlord. Originaire venant de l'album Nada. There we stood at the enters the world, snatching the sun from the sky. Oh, leper lord, my leper lord, may the angels cry. The black cloud melts as eagles soar, tearing to bits the lyre. Oh, leper lord, voilà pour le petit titre très court, alors très court, hein, de Dissing June, tiré de l'album Nada, l'un des meilleurs albums, hein, avec The World Wide Summer. Je pense que ce sont les deux meilleurs albums. Il faut savoir aussi que l'album Nada, c'est l'ancien groupe avant que Dessin June ne devienne qu'une seule et même personne. On en avait parlé lors de l'émission numéro 2, je crois. Voilà, Douglas Pierce. Donc là, il s'agit du groupe original. Voilà, on passe tout de suite avec Rome. On en avait déjà passé. Donc ce groupe luxembourgeois avec Das Feuer d'Oral. Strangely complete. leidverheißend wirkt der Morgen, der aus weiter Ferne naht. Denn er birgt in seinem Schoße eines großen Übels Saat. Fremd und seltsam, es schon dämmert, dort am schmalen Himmelsrand. Eine Ahnung ist dem Morgen unheilvoll vorausgesandt. Gleich Trauerflor. Aus den Tälern steigt ein Klagen, tönend in die Nacht empor. Durch der Lüfte weite Räume, ein so schweres Seufzen geht. Ein Windhauch wie aus Gräbern von den fernen Bergen weht. Zum Abschied Blätter winken in der Wälder Einsamkeit, und es leuchtet wie von Blute ihrer Trauer Herbsteskleid. Jedes Auge, das noch wartet, ein lebendig stolzes Licht, wird bald trübe von dem Arme, der in Tränen aus ihm bricht. Keine Hoffnung, milde Gabe, stärkt den jeden Geist erwacht. Starbend ob des Bangens in des Abendlandes nah. pour le titre qui venait juste après le groupe Rome, c'était bien sûr Forseti, un petit retour sur Forseti avec Das Abendland. On va passer tout de suite avec Darkwood. Alors Darkwood, c'est quand même quelque chose d'assez important comme groupe. Faut savoir que le groupe dispose quand même pas moins de 9 albums et ont participé à une quinzaine de compilations. C'est un groupe qui est aussi en fait entre le dark folk, la dark folk, le néo folk. Alors faut savoir que le groupe s'inspire de certaines religions très anciennes, de philosophies anciennes et de l'harmonie des lois de la nature. Donc il y a quand même une certaine philosophie très profonde et des thématiques à base de mysticisme nord-européen. Voilà pour le groupe Darkwood qui est originaire de Brandebourg. Voilà, on va passer tout de suite donc avec eux, avec Der Falkenflug. Voilà pour le groupe Darkwood. Petite particularité, c'est qu'ils sont complètement anonymes, c'est-à-dire que on ne sait toujours pas qui c'est au fil de tous les albums, toutes leurs productions. c'est la petite anecdote voilà, que je voulais rajouter pour Darkwood. On va passer tout de suite avec Of the One, Of the Moon. Alors logique, puisqu'ils sont très présents dans le domaine de la Dark Folk et du Neo Folk en particulier. On sait que aujourd'hui c'est un groupe danois. Voilà, je l'avais déjà précisé dans une autre émission. Allez, on va passer tout de suite au titre Réticule. Thank you. Voilà pour un titre juste après Of the One of the Moon, c'était Soon Agal avec Futhark. Futhark qui est en fait une rune, voilà, une rune nordique. Voilà la rune de Futhark. Je vous invite à aller regarder quelle forme a cette rune. Voilà, bon. Pour le groupe Sonagal qu'on avait déjà passé sur de précédentes émissions. Il faut savoir que ce groupe a 11 albums quand même à son service, ce qui n'est pas rien, et pratiquement une quinzaine de compilations. Ils font partie par exemple de cette fameuse compilation Forseti Lept. Sinon il y en a d'autres de compilations comme N'ai regret du passé ni peur de l'avenir. Voilà, donc très intéressant ce groupe qui travaille en fait sur la réflexion des rituels anciens et des éléments qui sont liés aux rituels anciens. Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a tout un aspect intellectuel, une certaine recherche au sein du groupe Sound Agal. Voilà, on repasse sur Forseti avec Lichter Flog. Lichter strahlter Ewigkeiten über traumversunkene Weiten, Lichter strahlter Ewigkeiten. Pour le titre très intéressant donc de Forseti Lichter Flog, on va passer tout de suite à Fire Ice avec le titre Suppose My Name. Alors Fire Ice c'est En fait, à l'origine, un groupe dirigé par Ian Reid. Alors, il y a une particularité avec Fahrenheit, c'est que Ian Reid est un occultiste qui est actif dans les milieux de la magie, du chaos et du mysticisme germanique. Voilà, donc là on baigne directement dans le solstice. Il faut savoir aussi que Fahrenheit a plusieurs musiciens autour. Alors faut savoir que Ian Reid a travaillé avec Tony Wackoford de Sol Invictus. Tony Wackoford qui était ancien membre du groupe Death Engine qu'on a passé tout à l'heure. Il a travaillé avec Kuren 93, Death Engine, on en parlait, et donc Sol Invictus. Fahrenheit, c'est quand même pas moins de 8 albums. C'est aussi une présence sur à peu près 5 compilations, 5 à 6 compilations. Donc voilà. Ils sont passés un peu par la Dark Folk, Neo Folk, et aussi des mouvements proches de la goth subculture. Ils se sont entourés de Lydia Lunch, Rose McDowell, enfin des personnalités très underground, voilà, des milieux de la Dark Folk, Neo Folk. Voilà, donc on passe tout de suite avec Fahrenheit, donc Suppose My Name. In my cadences. unter Bergeshöhen. Blass behangen von Gezeiten, wachsen Nebelschleier kühn. Dicht gehoben aus Essenzen, abendschwerer Sommerdüfte, fängt mit seinen lichten Kränzen sanfter Nebelregenlüfte. Der junge Regen lachend folgt den leichten Mädchenschritten, jener graue König wachend mit kaum hörbar leisen Tritten, zieht den Mantel fahlen Lichts in dem Blätter sich verfingen, stolzen Hauptes hinter sich, um verzerrt sein Lied zu singen. Die vergeht wie Windeshauch, die erstirbt wie Regen leise und verblüht wie Rosen auch. Voilà pour le titre, le tout dernier. Là, c'était Forseti avec Dargra Koning. On l'avait déjà passé, je crois, lors de la première émission. Et donc, on se l'est repassé avec plaisir, puisqu'il s'agit quand même du néo-folk. Voilà, on revient sur Of the One, Of the Moon. Alors, Of the One, Of the Moon, comme je le disais, c'est danois. Alors, c'était fondé par Kim Larson, qui était un ancien membre du groupe Saturnus. Alors, il y a une particularité quand même She of the One of the Moon, c'est que bon, au départ, ils utilisent les codes nordiques, hein, c'est un groupe danois, donc ils s'inspirent en fait des anciennes civilisations vikings. Et donc il y a une grande symbolique au sein de son groupe avec l'utilisation des codes et symboles des peuples vikings. Voilà, il faut savoir aussi que Of the One of the Moon est passé par différents styles, mais qu'on peut retrouver sur un seul et même album. C'est-à-dire que c'est assez disparate comme genre, c'est-à-dire que vous trouvez de la dark ambiante, de la musique expérimentale, musique traditionnelle, du martial industriel, néo-folk bien sûr, et de la musique post-industrielle. Et tout ça, cette particularité de ce groupe, l'entité aujourd'hui dirigée par Kim Larson, c'est que vous retrouvez ça sur un seul et même album. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité des productions de ce groupe. Voilà, donc on va s'écouter le titre Hemlock on Mandrake Field. Of Spain. as they appeared among a crowd of well-wishers and carried these mournful lanterns, all gossip, all slander, my sweet black childhood, the secret son of Europe, and stern ordeals, our great refusal to fail. La muerte no es un asunto trivial, ni dulce, ni negra, ni miel. Único secreto de Europa, todo lo que hemos hecho, todo es perdonado, todo. Voilà pour le titre, juste après Of the One of the Moon, c'était Rome avec The Secret Song of Europe. Voilà pour ce titre vraiment sympathique. Moi j'aime bien Rome, c'est surtout la voix du chanteur qui est quand même assez sépulcrale, très profonde. Voilà, on va passer tout de suite à Disingenuous avec Torture by Roses. A German foreign blood, a glimmer of its past, power and misery, pathetic fall. To the ignorance of life, this is the best it will ever be. Think of the things that will never be. Empty world, hollow and useless, consumed to the inside. Something I will not hide. My love wilts on. My comrade in tragedy. This is the best it will ever be. Think of the things. Never be. paure di semi sfioriti, la vita esplode nei cuori di chi ascolta in silenzio, senza parlare. Queste mura sono lastre di ghiaccio, e tu che aspetti di volare via. Queste mura sono lastre di ghiaccio, e tu che aspetti di volare via. È tardi per aspettare, è presto per morire. È tardi per aspettare, è presto per morire. È tardi per Voilà pour le titre, donc après Disingenue Torture by Roses, c'était Argin. Alors, Argin, c'est un groupe italien qui en fait est assez ancien, sa création date de 1992, mais il faut savoir qu'ils sont toujours en activité. D'ailleurs, il y a un album qui date de 2018, donc le groupe compte quand même pas moins de 10 albums, dont 8 studios, un live et puis un autre album plus confidentiel. Alors le groupe a quand même une particularité, c'est qu'en fait il est passé par plusieurs styles. Il est passé en fait à des sons plutôt post-punk, des sons rock acoustique expérimental, et a fini par le néo-folk, comme quoi le cheminement mène véritablement à l'excellence. Voilà. D'un point de vue conceptuel, ce groupe italien s'imprègne du décadentisme visionnaire et romantique de certaines époques. Voilà pour la petite anecdote et l'aspect, c'est vrai, l'aspect intellectuel du groupe Argin. Voilà. Donc on va passer tout de suite avec un avant-dernier titre. Il s'agit bien sûr de Forsetti, Andreas Ritter, avec Strom Guard Wait. Regen naht ein tobendes Gewitter, bringt uns unheilvollen Segen. Wir, die immer vorwärts blicken, keiner Seele etwas schulden, müssen jetzt durch Groll und Sühne eines Gottes Zorn erdulden. Richtet nur zugrunde, uns nur straft mit seinem Spotte, unaufhörlich schmerzt die Wunde. Mag es stürmen, mag es hageln, Donner, Blitz und Ungeheuer aus dem Himmel auf uns stürzen, soll es brennen, dieses Feuer. Voilà pour le l'avant-dernier titre, c'était donc Forcetti avec Sturmgadwait. On va passer avec un dernier titre pour finir l'émission, toujours avec Argin. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et bien sûr très bonnes fêtes de Noël. Qu'un très bon réveillon du 31 décembre pour le changement de cap de l'année. Pour nous, c'est fait puisque le solstice est en cours. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission spéciale donc consacrée au martial néoclassique et martial industrial. Qui sera uniquement consacré à cela, puisque là nous sommes concentrés donc sur le néo-folk, la dark folk et le pagan folk. Donc cette fois-ci on passera véritablement vers autre chose, toujours dans le thème de Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà, alors je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Argin. S'alzano nel cielo fuochi d'artificio, festeggiano i santi ai quali si votano le madri dei giovani ragazzi in procinto di partire nella notte. Esiste una vallata lassù.